la foule crie, si Friday's Kill se prépare, chaque pas résonne et s'éparpille, les écrans scintillent, les pixels prennent vie, la nuit est jeune, le public en transe, l'aventure nous envahit. Chaque quête devient un rite, chaque quête devient un pacte, les ennuis observent, mais Raiders Kill attaque intact. De Rust à GTA, le jeu n'a jamais dormi, la pression monte, le DJ dans ma tête suit le flux infini, le public chante, les mains levées, sifflement en harmonie, l'adrénaline pulse dans chaque veine. Chaque mouvement calculé, aucun geste en vain, les lumières tournent, les synthés frappent fort, Raiders Kill est maître, aucun rival ne l'ignore, la foule acclame, hurle, siffle, on ressent l'effort. Oh, oh, oh, oh. Les armes virtuelles scintillent, chaque écran un théâtre. Raiders Kill s'avance, les adversaires se testent et s'écartent. Chaque victoire marque la scène, chaque raid est un hit. Les basses frappent, la foule saute et chante, et le DJ suit le rythme. Le sol tremble, la nuit s'électrise. Raiders Kill domine, aucune surprise. Les lumières explosent, le public en transe. Chaque instant compte, chaque seconde est chance. Aux terres de survie, chaque mouvement compte, chaque instant nous ravit. Raiders Kill contrôle le jeu, chaque adversaire recule. La puissance est ici, rien ne s'annule. La foule chante, siffle, respire l'énergie du club. Feel the night, Raiders Kill takes the lead. Every move, every fight is the need. The crowd goes wild, hearts synchronize. Bass hits heavy, see the rise. Les néons s'éteignent, mais la pulsation reste. Raiders Kill quitte la scène, chaque note est un manifeste. Le jeu continue, la nuit se termine, mais la légende vit. Chaque partie, chaque stream, chaque victoire infinie.